La Croche-Oreille vous est présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Alors salut tout le monde, bienvenue à la Croche-Oreille, édition du dimanche 22 octobre 2017. Alors ce soir, je vous propose l'écoute intégrale ou quasi intégrale d'une œuvre sonore qu'on peut qualifier de majeure, une œuvre intitulée « Étude pour Kafka » du créateur sonore, compositeur Francis Daumont. Alors, ça fait un petit bout de temps que je me propose de vous faire entendre des travaux du créateur sonore Francis Daumont. Francis Daumont, c'est un compositeur musical au début de sa carrière, puis devenu créateur sonore une dizaine d'années plus tard. Et on est au début des années 60. Français d'origine, Daumont va s'installer au Québec au milieu des années 70 et enseigner la création électroacoustique à l'Université de Montréal pendant une vingtaine d'années. Il aura une influence décisive sur de nombreux créateurs québécois, si on pense par exemple à Stéphane Roy, Robert Normando, Diane Chouinard, Christian Calon, Alexandre Burton, pour en nommer quelques-uns. Francis Daumont a une carrière et un parcours artistique vraiment impressionnant. Il est une figure majeure de la création sonore, c'est un promoteur de la musique concrète et un vrai passionné de la création dite acousmatique, cette création qui est basée sur l'idée toute simple d'écouter sans voir d'où provient le son. Évidemment, il y aurait beaucoup à dire sur François Daumont, mais je vous fais part ce soir de quelques repères essentiels pour l'écoute de ses études pour Kafka. Alors, Daumont est né en France. Il a 18 ans en 1944, engagé, comme de nombreux jeunes hommes de son époque, sur le champ de bataille. Alors, victime d'un accident ou d'un virus, on sait pas trop, mais en tout cas, Daumont va perdre l'usage d'un œil durant la guerre et cette perte, cet accident va déterminer son destin. Dans un entretien qu'il accorde à Evelyne Gayou, Daumont raconte ceci: je crois que si je suis venu à l'acousmatique et devenu un mordu, un inconditionnel de cette écoute aveugle, c'est que l'accident que j'ai eu à l'œil durant la guerre a été marquant. J'ai perdu un œil et pendant une longue période, j'ai dû arrêter mes études. Je ne pouvais me servir que de mes oreilles. Alors, il dit qu'à ce moment-là, la musique n'avait vraiment de réalité que sonore. Alors, je crois que c'est comme ça que j'ai pris cette habitude d'écouter sans voir. Et quand je vais au concert, c'est toujours Daumont qui parle. Presque automatiquement, je ferme les yeux. Alors, la guerre terminée, Daumont va entreprendre des études musicales auprès de grands pédagogues. Il compose entre 1944 et le début des années 50 des œuvres pour piano, pour orgue, pour violon, et même on dit qu'il a commencé des mouvements symphoniques. Puis Daumont découvre à la fin des années 40, et ça c'est vraiment grâce au magnétophone, il découvre ce que Pierre Schaeffer va nommer la musique concrète. Alors il est fasciné par le monde sonore qui s'offre à lui, il expérimente en solitaire toutes les possibilités sonores de l'enregistrement. Alors, il abandonne graduellement l'écriture instrumentale pour se consacrer à la composition électroacoustique, une musique pensée pour l'écoute, c'est ce que Daumont va rappeler constamment, et une musique qui puise son matériau dans la réalité sonore, ce qui l'occupera pendant plus de 50 ans. Alors, parmi le répertoire de Daumont qui couvre un demi-siècle, je vous propose ce soir l'écoute d'un album intitulé « Études pour Kafka ». L'album comporte trois pièces qui rendent compte de l'immense intérêt de Daumont pour l'œuvre littéraire de Kafka et pour les côtés évidemment obscurs de nos vies intérieures. Alors, sans plus tarder, on va écouter ensemble une première pièce tirée des études pour Kafka, intitulée « Première trace du Chouka ». Comme le souligne le journaliste Seb dans le magazine Maxo, et là j'ouvre les guillemets, il dit « Première trace du Chouka renvoie à la biographie même de Kafka. Le Chouka, qui est un oiseau de la famille des corvidés, proche du corbeau, était représenté sur l'enseigne de la boutique du père de Kafka. La symbolique animale, dans tout ce qu'elle peut renvoyer de sombre et de mystérieux dans les cultures germaniques et nordiques, trouve ici un réel écho. » Cette pièce de Daumont collerait, selon Seb, parfaitement aux effets, aux thématiques développées par Kafka. On parle de la peur, de l'anxiété, du trouble. Alors on écoute « Première trace du Chouka ». Thank you. Alors, on vient d'entendre première trace du Chouka tirée des études pour Kafka du compositeur sonore Francis Daumont. Alors, il y a beaucoup de commentateurs, évidemment, de cette compilation, de cette œuvre. Francis Daumont a travaillé la matière sonore à partir de sa perception et de sa connaissance approfondie, on imagine, de l'œuvre de Kafka. Alors, ce qu'on vient d'écouter, placé en début d'album, la pièce est une sorte d'introduction à la seconde pièce qui s'intitule « Brief an den Vater », en allemand, traduit en français par « La lettre au père », et qui constitue le deuxième volet de l'enregistrement. La pièce est inspirée de la fameuse lettre écrite par Franz Kafka à son père Hermann en 1919, une lettre que finalement il n'enverra jamais. Alors, dans ce long réquisitoire, Kafka tente de mettre en lumière l'ensemble des blâmes qu'il adresse à son père. On dit que ce texte est essentiel à la compréhension de la psychologie de l'auteur tchèque. D'ailleurs, les mots et les phrases que Francis Daumont a utilisés résument explicitement les griefs que formule Kafka à l'égard de son père, en révélant les angoisses de l'écrivain qui sont au cœur de ses thèmes littéraires. Alors, la pièce se construit en utilisant comme matériaux de base les voix. On va entendre la voix d'un comédien qui s'appelle Martin Engler pour la narration, et une voix du compositeur allemand Hans Tschukku. Francis Daumont arrive ainsi à ses fins à travers cette seconde pièce, introduire par la voix, transformer, défigurer la mise en perspective d'une inquiétude profonde. Alors on écoute « Brief an den Vater », la lettre au père. Liebster Vater, du hast mich letzthin einmal gefragt, warum ich behaupte, ich hätte Furcht vor dir. Ich wusste dir, wie gewöhnlich, nichts zu antworten. Zum Teil eben aus der Furcht, die ich vor dir habe. Zum Teil deshalb, weil zur Begründung dieser Furcht zu viele Einzelheiten gehören, als dass ich sie im Reden halbwegs zusammenhalten könnte. Und wenn ich hier versuche, dir schriftlich zu antworten, so wird es doch nur sehr unvollständig sein, weil auch im Schreiben die Furcht und ihre Folgen mich dir gegenüber behindern und weil die Größe des Stoffs über mein Gedächtnis und meinen Verstand weit hinausgeht. Vater, warst du zu stark für mich. Besonders da meine Brüder klein starben, die Schwestern erst lange nachher kamen, ich also den ersten Stoß ganz allein aushalten musste. Dazu war ich viel zu schwach. Bestand die Welt also nur aus mir und dir? Eine Vorstellung, die mir sehr nahe lag. Dann endete also mit dir diese Reinheit der Welt. Und mit mir begann Kraft deines Rates der Schmutz. An sich war es ja unverständlich, dass du mich so verurteiltest. Nur alte Schuld und tiefste Verachtung deinerseits konnten mir das erklären. Und dann war ich also wieder in meinem innersten Wesen angefasst. Und zwar sehr hart. Deine vollständige Empfindungslosigkeit dafür, was für Leid. Unverständlich war mir immer deine vollständige Empfindungslosigkeit dafür, Worte und Urteile mir zufügen zur Schande. du mit deinen Worten und Urteilen mir hättest du keine Ahnung von deiner Macht. Als hättest du keine Ahnung von deiner Macht. Ich konnte, was du gabst, genießen. Aber nur in Beschämung, Müdigkeit, Schwäche, Schuldbewusstsein. Dieses mich oft beherrschende Gefühl der Nichtigkeit, ein in anderer Hinsicht allerdings auch edles und fruchtbares Gefühl, stammt vielfach von deinem Einfluss. Erfunden waren und denen ich überdies, ich wusste nicht warum, niemals völlig entsprechen konnte, dann in eine zweite Welt, die unendlich von meiner entfernt war, in der du beschäftigt mit der Regierung, mit dem Ausgeben der Befehle und mit dem Ärger wegen der du nicht befeuert. Und schließlich in eine dritte Welt, wo die übrigen Leute glücklich und frei von Befehlen und Gehorchen sind. Die Unmöglichkeit des ruhigen Verkehrs hatte noch eine weitere, eigentlich sehr natürliche Folge. Ich verlernte das Reden. Das Vertrauen zu eigenem Tun. Ich war unbeständig, zweifelhaft. Thank you. Mir genügt es übrigens, an Früheres zu erinnern. Ich hatte vor dir das Selbstvertrauen verloren. Dafür ein grenzenloses Schuldbewusstsein eingetauscht. In Erinnerung an diese Grenzenlosigkeit schrieb ich von jemandem einmal richtig: Er fürchtet, die Scham werde ihn noch überleben. Schreiben handelte von dir. Ich klagte dort ja nur, was ich an deiner Brust nicht klagen konnte. Es war ein absichtlich in die Länge gezogener Abschied von dir. Nur, dass er zwar von dir erzwungen war, aber in der von mir bestimmten Richtung verlief. Nicht aneinander passen, wie die Beweise in meinem Brief. Das Leben ist mehr als ein Geduldsspiel. Aber mit der Korrektur, die sich durch diesen Einwurf ergibt, einer Korrektur, die ich im Einzelnen weder ausführen kann noch will, ist meiner Meinung nach doch etwas der Wahrheit so sehr Angenähertes erreicht, dass es uns beide ein wenig beruhigen und Leben und Sterben leichter machen kann. Franz. Alors voilà, on vient d'entendre la lettre au père, cette deuxième partie des études pour Kafka du compositeur sonore, de l'artiste sonore Francis Daumont. Les trois pièces qui composent ces études, on va entendre la prochaine sera la dernière. Les trois pièces qui composent ces études publiées sur le label québécois Empreinte Digitale font partie d'un long processus artistique de Francis Daumont qui va culminer dans une compilation intitulée Le cri du Chouka, compilation dans laquelle on reconnaît les explorations des études pour Kafka. Daumont en convient, il le rappelle très souvent, et là j'ouvre les guillemets, c'est Daumont qui parle, les œuvres d'envergure comme Mourir un peu, Sous le regard d'un soleil noir ou encore Forêt profonde. Il s'agit de trois œuvres de Francis Daumont. Alors il dit, tout ça me demande toujours une longue période de réflexion, des années parfois, et de multiples études qui explorent les thématiques, testent les matériaux et annoncent l'œuvre finale. Alors on peut comprendre le processus très artisanal de Daumont pour créer des œuvres complexes. Francis Daumont va clore ses études pour Kafka avec une pièce intitulée À propos de K, une création qui rappelle étaient les thèmes récurrents de l'univers de l'auteur tchèque. Dans un article paru dans la revue Maxo Express, le journaliste Seb observe d'ailleurs que l'une des grandes réussites des études pour Kafka, il dit que ça vient du fait que les compositions n'entrent jamais dans le démonstratif. François Daumont n'introduit pas ici de jugement sur l'auteur ou sur son univers, car aussi sûrement que celui de Kafka était troublé, torturé, les nôtres peuvent à divers degrés l'être tout autant. Et là, je ferme les guillemets. Alors, je vous invite à écouter la dernière pièce des études pour Kafka, intitulée « À propos de K », une pièce dont les accords suspensifs et les turbulences auditives font régner une sorte de mystère, le reflet d'une inquiétude et un désir qui habitent Francis Daumont depuis longtemps. D'ailleurs, Daumont raconte ceci, il dit « Comme j'aimerais que mon anxiété se présente dans mes œuvres de façon aussi simple et essentielle que les affres les plus tragiques de cet écrivain. » Il parle de Kafka, évidemment, toujours exprimé dans un style limpide, sans emphase, qui n'en sont que plus bouleversantes. Alors, on écoute « À propos de K ». Yeah. Voilà ce qui complète cette écoute de Francis Daumont, cette œuvre intitulée Étude pour Kafka. Vous êtes en train d'écouter à propos de K, la troisième pièce. Alors, on termine sur cette œuvre. Alors, je vous dis à la semaine prochaine, la Croche-Oreille qui sera de retour dimanche prochain, compté de 21h sur les ondes de CKRL 89,1. Et puis, d'ici là, je vous invite à être attentif au son autour de vous. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. L'accroche-oreille vous a été présentée par Avatar, le centre d'artistes en art audio et électronique. Messieurs, je vous présente la reine Elisabeth, votre reine légitime. Vous tous qui êtes venus en ce jour lui rendre hommage et la servir, êtes-vous disposés à la reconnaître? 89. Elisabeth II. CKRL.QC.CA. Et couronnée. Pourquoi être membre de CKRL? Parce que tout simplement, c'est la meilleure radio au monde. Et aussi parce que vous économisez 20% au bar salon Quartier Général, 1 boulevard Charest-Ouest. Devenez membre sur CKRL.QC.CA. Vous allez voir aujourd'hui, votre ordinateur, là, il est particulièrement niaiseux. Puis les personnes qui sont intelligentes, là, c'est pas votre ordinateur, c'est vous. À découvrir sur la Fabrique culturelle. Développer sa pensée informatique, c'est quelque chose qui est utile dans plusieurs sphères de la vie. L'atelier Décode, édifier la programmation numérique d'après Benjamin Lille. Donc, un des premiers aspects qu'on veut travailler dans la pensée informatique, c'est vraiment le côté décomposition, abstraction. Donc, aller chercher vraiment tous les petits détails des actions qu'ils veulent faire. Tous les talents d'ici, une seule adresse. Lafabriqueculturelle.tv.